is coming because of something, you know. Anytime there is anything along the line, the Lord always wants to help us, always want to correct us, always want to bring us back. Immer wenn etwas da ist, was wenn etwas auf uns zukommt, will der Herr uns immer wieder verbessern und belehren durch diese Sache. Il y a toujours quand il y a quelque chose qui arrive ou bien quelque chose déjà en avenir, il est toujours là pour nous corriger. We have not forgotten our testimony. Wir haben unser Zeugnis noch nicht vergessen. Nous n'avons pas oublié nos témoignages. But we always, in this ministry, we are not a ministry that is just about order. We are about Christ. We are about the voice of the Holy Spirit. Mm-hmm. And not about what man call order. In unserer Gemeinde geht es nicht um das, was der Mensch Ordnung nennt, sondern uns geht es um das, was, was der Heilige Geist sagt, was Christus sagt. Et dans notre église, il ne s'agit pas de ce que la religion appelle l'ordre, mais ce que le Saint-Esprit nous dit qu'on doit faire. You know, in the natural world, you know, what they call order is what they said, you know, they don't want to deviate from it. It's always as their program. That is the program, and nothing can change it. But here it's not so. Mm-hmm. Because, you know, Jesus said we are like the wind, that the Holy Spirit is in charge of everything we do. Mm-hmm. In der natürlichen Welt ist Ordnung etwas, woran man sich hält, und Ordnung zeigt sich, indem man die Maßnahmen und Strukturen einhält und immer dabei bleibt. Aber wir lassen uns vom Heiligen Geist leiten und nicht von Menschen, nicht von selbstgemachten Ordnungen. Im Mond naturell, il y a toujours l'ordre à quel on doit se tenir, et puis même dans les églises, il y a toujours un programme que l'église suit, mais chez nous, il s'agit seulement de Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Amen. You can see how we start and how we close also. Ihr seht, wie wir anfangen und wie wir auch die Gemeinde enden. Et on peut même voir comment on commence l'église ou comment on finit avec l'église. Everything is being controlled by the Holy Spirit. Alles wird durch den Heiligen Geist geleitet und kontrolliert. Guidé par le Saint-Esprit. Jesus never have any time of doing anything. Jesus hatte keine Zeit, irgendwas zu tun. Et Jésus-Christ n'avait pas le temps pour faire quelque chose d'autre. He did not have timetable. You understand me? And say tomorrow this is what is going to come. Or next tomorrow. Look at that. Let us just arrange everything to the full. He was always moving according to the Holy Spirit. Der Herr hat nicht nach einem Stundenplan gearbeitet oder nach einem Arbeitsplan, sondern es war einfach der Heilige Geist, der ihn bewegt hat. On peut aussi voir que Jésus-Christ n'a jamais travaillé à travers un emploi du temps. Il s'est toujours laissé guider par le Saint-Esprit. Amen. And that is why we are to have time for Christ. Und deswegen müssen wir Zeit haben für Christus. C'est ça pourquoi on doit avoir le temps pour Jésus-Christ. Amen. Amen. He is the owner of our time. Denn er ist der Eigentümer unserer Zeit. Parce que lui il est le propriétaire de notre temps. You know, when he was teaching them, when he was here physically, you know, he was always teaching them according to how they were able to understand or bear it or able to listen to him. Als er physisch hier war, did not have any time that this is 2:00, I close, 3:00, I close. Hat er sie immer so gelehrt, wie sie in der Lage waren, es aufzunehmen. Es war nicht, okay, 15 Uhr machen wir Schluss oder 13 Uhr machen wir Schluss, sondern so wie Leute das die Aufnahmefähigkeit der Leute hat, die Zeit der Predigt sozusagen bestimmt. Et dans la Bible on peut voir comment Jésus-Christ s'est toujours orienté sur ses disciples, parce qu'il pouvait voir combien ses disciples pouvaient porter. C'est ça pourquoi il n'avait pas dit qu'il finit avec l'église à 12h ou bien à 13h. Non, il s'est toujours laissé guider par le Saint-Esprit. Praise the Lord. Hallelujah. Also in Acts you will see we have, you know, where Paul also, you know, Paul was preaching and the message was so long that somebody was sleeping and he fell down from the window, through the window. Amen. Because, you know, the time we are to allow the Holy Spirit to guide and direct whatever we are doing and not ourselves. Auch in der Zeit von Paulus, da hat er gepredigt und er hat so lange gepredigt, dass einer der Zuhörer eingeschlafen ist und aus dem Fenster gefallen ist, sozusagen. Und deswegen sollten wir zulassen, dass der Heilige Geist unsere Zeit bestimmt, wann wir anfangen, wann wir aufhören. Et même dans l'acte des apôtres, on pouvait voir comment Paul il a prêché pendant longtemps, puis il y avait un disciple qui a commencé à dormir, puis il est tombé du fenêtre. Et c'est ça pourquoi on doit toujours savoir que c'est le Saint-Esprit qui guide nos pas, et puis que c'est le Saint-Esprit qui guide notre temps. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. So today he still have a message for us. Heute hat immer noch eine Botschaft für uns. Et aujourd'hui, il a aussi un message pour nous. And this message is also very important. Und diese Botschaft ist sehr wichtig. Et ce message est vraiment très important. Amen. Amen. He wants me to quickly clear something. He wants us to quickly clear something. You know what somebody wrote to the Nigerian group also. Mm-hmm. Möchte, dass ich etwas kurz aufkläre, was jemand in der Nigeria WhatsApp Gruppe sozusagen geschickt hatte, einen Link, um genau zu sein. Le Saint-Esprit veut que je parle d'une situation qu'on avait dans le groupe de l'église. Parce qu'une personne a partagé une vidéo avec l'église, et c'est ça pourquoi je dois parler de ça. Amen. You know, we don't ignore things. Wir ignorieren Dinge nicht. On ignore pas des choses. Amen. Mm-hmm. Because, you know, faith comes by hearing, so also our lies, they all come by hearing. Mm-hmm. Weil der Glaube kommt durch das Hören, so auch die Lüge. La foi, ça vient à travers ce qu'on écoute, et c'est comme ça, ça va être les mensonges. Amen. Amen. She wrote that... You know that the biological parents' prayer, they are more important than the pastor's prayer. Mm-hmm. She wrote. Mm-hmm. Eine Person in dieser WhatsApp-Gruppe hat geschrieben, dass der Segen deiner biologischen Eltern viel wichtiger und stärker ist als der Segen eines Pastors. Il y a une femme qui a écrit dans le groupe de WhatsApp que la bénédiction de ses parents biologiques sont plus importants et plus important que la prière d'un pasteur. You know, you can hear something like that, but if you know the truth, you kick it out. Du kannst sowas hören und wenn du die Wahrheit aber kennst, wirst du es einfach wieder aus deinem Hirn, aus deinem Hören rausspülen. Et si tu as la vérité puis tu attends des choses comme ça, tu es capable à rejeter cette mensonge. I know people, you know, a lot of pastors can preach that because they are of the flesh and not of the spirit. Ich weiß, dass viele Pastoren sowas predigen können, weil sie vom Fleisch und nicht vom Geist. Et je sais qu'il y a beaucoup de pasteurs comme ça qui prêchent des choses comme ça parce qu'ils sont guidés par la chair et pas par l'esprit. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I don't know if if everyone read it, but the Lord wants us to deal with it. Und ich weiß auch nicht, ob jeder das gelesen hat in dieser Gruppe, aber der Herr möchte, dass wir das ansprechen. Et je ne sais pas si tout le monde a lu ce message, mais Dieu veut qu'on parle de ça. I believe that this lady believed it, and that is why, you know, she wrote it out to spread it out. To spread such a lie out to others, to confuse people. Und ich glaube, dass diese Frau, die das gepostet hat in die Gruppe, das glaubt und es deswegen auch in die Gruppe geschickt hat, um auch sozusagen Menschen zu verwirren. Et oui, bewusst. La chose que cette femme a dit, je pense qu'elle-même, elle croit cette mensonge, mais elle voulait aussi partager ça pour confondre aussi les autres qui sont aussi dans l'église. She is actually new here. If you don't know the truth and you are hungry of the truth, there's no problem. Christ is not against that. Amen. But if you do not know the truth and you want to believe the lies that you already have, that is where the problem lies. Das Problem liegt nicht darin, dass man Fragen hat oder etwas nicht versteht und nochmal Erklärungsbedarf herrscht, sondern das Problem liegt darin, dass wenn du dich schon entschlossen hast, die Lüge zu glauben und darauf verharrst und dich nicht diesbezüglich belehren lassen möchtest. Et oui, ce n'est pas un problème si tu connais pas encore la vérité, que tu veux connaître la vérité, mais le problème est là, si tu même tu crois des mensonges, que tu tiens aussi à ces mensonges, que tu commences à partager ça avec les autres. Praise the Lord. Hallelujah. Please, if people have any issue with anything at all, always come to church, ask questions, and don't spread evil message out to people. Wenn ihr irgendeine Ansicht habt, die gegen die Ansicht ist von die Wahrheit oder gegen die Ansicht die von der Predigt, dann bitte kommt zur Gemeinde und spricht das an, aber postet das nicht einfach willkürlich in die Gruppe, obwohl in den Predigten genau das Gegenteil verkündigt wird. Et si vous avez une question sur un message ou bien vous comprenez pas pourquoi le Saint-Esprit nous donne un certain message, vous devez demander des questions à l'église pour que on peut vous aider, mais ne partagez pas vos doctrines qui ne sont pas guidées par le Saint-Esprit. Amen. There is no place in the Bible that tells us that the biological parents' prayer is so great, except if those parents are having covenant with Christ, with God, like Abraham, Isaac, Jacob. You can see they had covenant with the only true God, and that's why their prayer was, their prayer or their blessing was important. Amen. Then. Und es gibt keine Stelle in der Bibel, wo betont wird, dass der Segen von Eltern so wichtig ist und so erstrebenswert ist. Es sei denn, diese Eltern haben ein Bündnis mit Christus Jesus und deswegen, aber sonst nichts. Et il n'y a pas aussi un passage dans la Bible où on a écrit que les prières des parents biologiques sont plus importantes que toute autre chose. On peut seulement les lire si ces parents-là sont, ils ont un convenant avec Dieu, comme par exemple Abraham, Jacques, ou bien Isaac. Amen. You know, Christ Jesus is our example. He did not tell his mother to bless him. Christus Jesus ist unser Zeugen, unser Vorbild. Er hat nicht nach dem Segen von Maria gebeten und diesen aufgesucht. Et on doit savoir que Jésus-Christ est notre exemple parce que lui-même, il n'a pas cherché les prières de Marie, ou bien des bénédictions de Marie. Amen. Since the fall of man, the message is Christ our blessing, please. That is the topic. Amen. Seit dem Sündenfall ist Christus unser Segen. Et depuis la chute de l'homme, Jésus-Christ est notre bénédiction. And not any man. Und kein Mensch. Et pas, oui, un homme. Amen. No matter the man. Egal wer dieser Mensch ist. N'importe qui cette personne est. Christ is our blessing. Christus ist immer noch unser Segen. Jésus-Christ est seulement notre bénédiction. Since the fall of man. Seit dem Sündenfall. Depuis la chute de l'homme. Everything here on earth has been polluted. Wurde alles hier auf Erden verunreinigt. Tout a été pollué ici sur Terre. Everything, including our biological parents. Alles, auch unsere biologischen Eltern. And also Eltern. Including Mary. Auch Maria. Tout, et même nos parents biologiques, et même aussi la mère de Jésus-Christ. Amen. Marie. Amen. The Mary, the so-called mother of Jesus. Maria, die sogenannte Mutter von Jesus. Marie, la mère biologique de Jésus-Christ. Please, let's go to Psalm 51. Psalm 51. Psalm 51. Praise the Lord. Halleluja. Psalm 51. Psalm 51. Psalm 51. Vers 5. Psalm 51, Vers 5. Verset 5. Praise the Lord. Hallelujah. Did you see what is here? Verse 5. Amen. Amen. He said, behold, I was shaping in iniquity, and in sin did my mother conceive me, including Mary. Auch Maria. Psalm 51. Psalm 51, verse 5. Also Psalm 51, Vers 7, der deutschen Version. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Und das gilt auch für Maria. Psalm Psaume 51, verset 7, on a écrit, « Voici, je suis née dans l'iniquité et ma mère m'a conçue dans les péchés. » Et ici, ça parle aussi de Marie, la mère de Jésus. You know, Mary is not different from any man. Maria ist anders als auch ein Mensch. Sie ist einfach nur ein Mensch. Et Marie, elle n'est pas différente d'une autre personne. Elle est aussi une, oui, un homme. It's only Christ Jesus that is God. Nur Christus Jesus ist Gott. Seulement Jésus Christ est Dieu. Amen. Amen. You know, in Mark 10, Jesus told that young man, that rich young man, he said, there is no man that is good except God. In Markus 10 hat Jesus zu dem reichen Jüngling gesagt, kein Mensch ist gut außer Gott. Et Jésus Christ a dit à l'homme riche dans Marc qu'il n'y a personne qui est bon sauf Dieu. If you are not good, you cannot give what is good. Wenn du nicht gut bist, kannst du nichts Gutes gebären. Si tu n'es pas bien, là tu peux pas faire sortir quelque chose qui est aussi bon. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Also in Romans 3, verse 12 to 18, he said, there is no good, no, not one. Es ist keiner auf Erden ist gut. Dans Romains 3, verset 12 à 18, on a écrit, il n'y a personne qui fasse le bien, pas même un seul. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Also Ecclesiastes 3, 12, because of time, we will not go through all this. Amen. Yeah, I just want us to go very fast in it. Amen. No good in man. He said there is no good in man. Auch in Prediger 3 lesen wir, dass nichts Gutes im Menschen ist. Et même dans Ecclesiastes, on lit aussi qu'il n'y a pas quelque chose de bien dans l'homme. In Romans 7, verse 18, it says nothing good in the flesh. Man is flesh. Da ist nichts Gutes im Fleisch und der Mensch ist Fleisch. Et dans Romains, on a aussi écrit qu'il n'y a pas quelque chose de bien dans la chair, puis l'homme est charnel et chair. Amen. Amen. Blessing is not natural, it's spiritual. Ein Segen ist nicht natürlich, es ist geistlich. La bénédiction est pas naturelle, mais c'est spirituel. Amen. Amen. And that's why if you are the flesh, your blessing is useless. Wenn du also vom Fleisch bist, ist dein Segen nutzlos. Et si tu es charnel, ça signifie que ta bénédiction est pour rien. Amen. Amen. You know, so many times when people, when I'm, all these religious people, they are very fast in prayer. Once I'm speaking to them, speaking, you start praying, you are anointed, I almost want to tell them, just shut up your mouth. Because your prayer is useless. I want you to listen to the truth and obey the truth. Amen. That's all I want from you. All diese religiösen Leute, sie lieben es zu beten. Und wenn ich mit ihnen manchmal rede, zu ihnen predige, fangen sie an, irgendwelche Gebetssprüche aufzusagen und zu sagen, ich bin gesegnet und dies jenes. Aber dein Segen ist tot ohne Christus Jesus. Ich will, dass du mir zuhörst und die Wahrheit empfängst, damit du überhaupt weißt, was du da überhaupt sagst. Et j'ai remarqué que quand je prêche aux gens religieux, ils tendent toujours à commencer à dire des prières. Ils disent toujours que bon, je suis vraiment béni, que Dieu te rend grâce, des choses comme ça. Mais pour moi, je veux seulement que cette personne obéisse à la vérité et pas que cette personne fait des longues prières. Amen. Amen. You know, Christ said, the sacrifice of the wicked is an abomination unto him. Even if they are doing it out of, you know, their so-called good heart. No matter how good it is, before them, it is an abomination unto him. Amen. Christus sagt, dass die Opfergaben der Bösen ein Greuel sind für ihn. Und es ist egal, wie gut sie es angeblich meinen, dennoch ist es ein Greuel für ihn, weil es von ihm kommt. Et le Christ dit que les sacrifices des mauvais sont une abomination pour Dieu, n'importe comment ça semble bien, bien oui, gentil de cette personne. Praise the Lord. Hallelujah. The natural people are of the flesh. Die natürlichen Menschen sind vom Fleisch. Les gens naturels sont de la chair. 1 Corinthians 2, verse 14. We can also read it from 11 to 13. Where he said, the natural man. I don't even know anything of God. In 1. Korinther lesen ja, wir auch, dass der natürliche Mensch, die Dinge Gottes nicht verstehen kann, das ist für ihn Torheit. Et dans 1 Corinthiens, on a écrit que l'homme naturel ne peut pas comprendre les choses célestes, les choses qui sont des dieux, ce sont comme une donc ça fait pas du sens pour l'homme naturel. Praise the Lord. Hallelujah. You know, biological parents, biologische Eltern, les parents naturels, ou bien biologiques, religious pastors, religieuse Pastoren, et les parents, les pasteurs religieux, their prophets, ihre Propheten, et leurs prophètes, preachers, Prediger, leurs prêcheurs, their bishop, ihre Bischöfe, even pope, ihre Päpste, même le Pape. What is even the difference between any of them? Was ist der Unterschied all zwischen of all diesen Leuten? Qu'est-ce qui est la différence entre toutes les personnes? Amen. Amen. Nothing. Their prayers are all the same. Nichts eigentlich, denn ihre Gebete sind alle gleich. Il n'y a pas une différence entre eux parce que leurs prières sont toujours pareilles. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Their evil prayers. Ihre bösartigen Gebete. Leurs prières mauvaises. Their evil blessings. Ihr bösartiger Segen. Leurs bénédictions mauvaises. Amen. Amen. I hate to hear them pray for me. Ich hasse es, sie zu hören, wie sie für mich beten. Et je déteste quand je l'attends prier pour moi. It's only Christ, you know, it's only the true God children that are to be there for me. Nur die wahrhaftigen Kinder and not religious people. Mich da sein, nicht I don't need anything Menschen. From you. You are the one that needs something from me. Ich brauche nichts von dir, du brauchst etwas von mir. Et je déteste quand des gens religieux prient pour moi. Je préfère que les enfants de Dieu, les vrais enfants de Dieu prient pour moi parce que moi, comme un enfant de Dieu, c'est moi la personne qui doit être là pour les gens religieux et pas eux pour moi. You know, in so many cases when we are on phone after preaching today or speaking today, we want to study, start praying. Oh, I'm almost vomiting because those prayers, they are so useless. You don't even know who you are. You don't know anything. If you, it's a flesh and blood cannot inherit the kingdom of heaven. You are flesh and blood. You cannot inherit anything. You cannot give me anything. Flesh and blood können das Königreich. Can only give flesh and blood. At one time, you know, the victory is the spirit and not flesh and blood. Der Sieg ist Geist und nicht Fleisch und Blut. Und deswegen, wenn diese religiösen Menschen für einen beten, ist es nutzlos. Und mir wird sogar schlecht dabei, weil das, was sie geben, ist Tod. Es ist nicht Geist. Es ist nicht lebendig in Christus. Et on doit savoir que la chair ne peut pas hériter le royaume de Dieu. C'est ça pourquoi toutes les prières des gens religieux sont inutiles. Ça sert à rien. Et c'est ça pourquoi quand je les attends prier pour moi, c'est comme si je voulais même vomir parce que ça c'est complètement charnel. There is no place in the Bible where Mary ever prayed for Jesus. Es gibt keine Stelle in der Bibel, wo Maria für Jesus. And Jesus betet. Needed Mary's blessing. Oder Jesus it's Mary den Segen von Maria Jesus braucht. Sondern es ist Maria, die den Segen von Jesus braucht. Il n'y a pas une place dans la Bible où Marie prie pour Jésus Christ, parce que c'est elle qui a besoin de la bénédiction de Jésus Christ. Amen. Your natural parents, if they don't belong to Christ, they don't have any blessing to bless you. Den natürlichen Eltern, wenn sie nicht zu Christus Jesus gehören, haben sie keinen Segen, den sie dir geben könnten. Et si tes parents naturels n'appartiennent pas à Jésus Christ, là ils n'ont pas de bénédiction à te donner. Because they are without the truth. Weil sie ohne Wahrheit sind. Parce qu'ils sont sans la vérité. Amen. Without the truth, they are not free. If you are not free, you cannot free others. Ohne Wahrheit bist du nicht frei. Und wenn du nicht frei bist, kannst du andere nicht befreien. Ils sont sans la vérité. Parce qu'ils n'ont pas la vérité, là, ils ne peuvent pas aussi libérer des autres. Amen. Jesus said it is the truth. What he called the truth, that free, that is our freedom. Sagt, if you are not free, how can you free others? Es ist die Wahrheit, die dich frei macht. Wenn du nicht frei bist, wie willst du andere befreien? C'est seulement la vérité qui libère l'homme. Mais si toi-même tu n'as pas la vérité, comment tu es capable à libérer les autres? Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Some even believe that their parents have Christ. Einige glauben sogar, dass ihre Eltern Christus haben, diese Menschen. Et oui, il y a aussi des gens qui croient que leurs parents ont Jésus-Christ. Because they go to church. Weil sie zur Gemeinde gehen. Parce qu'ils partent à l'église. Because they fast and they pray. Weil sie fasten und beten. Parce qu'ils font des jeûnes de prière. Praise the Lord. Halleluja. The other day, somebody told me that people I know, they are just preaching everywhere. I just said, my God, how will these people can just shut up their mouth and stay at home? Amen. Mm-hmm. Because they don't know the truth. They are they reject the truth. Well, then what are you going to tell the people? Mm-hmm. They are like the Pharisees. Mm-hmm. Amen. That Jesus talked about. He said, you go everywhere to preach and bring people into bondage. The bondage that you are in, that you refuse to be free from. Und auch selbst habe ich auch mit jemandem gesprochen und der meinte auch, dass irgendwelche Leute, die ihr wohl kennt, die wohl rausgehen würden und predigen würden über. Und ich habe mir einfach gedacht, würden diese Leute einfach ihren Mund halten, weil es ist wie die Pharisäer, sie sind überall und beten und predigen überall ihre Lügen und verbreiten ihre Botschaft der Gefangenschaft und spannen andere Leute in ein Joch ein, in das sie selber gefangen sind. Und sie lassen sozusagen, sie kommen selber nicht rein und lassen auch andere Leute nicht rein zur Wahrheit, zu Christus. Il y a une personne qui m'a dit que cette personne connaît des gens qui prêchent partout. Et puis, oui, je me suis dit que pourquoi ces personnes-là, cette personne, lui, ne ferme pas sa bouche parce que quand ils prêchent aux gens, eux-mêmes, ils sont comme des pharisiens, ils n'ont pas la vérité, ils sont eux-mêmes dans la captivité. Et puis, ils amènent aussi les jeunes dans la captivité. Et donc, ils sont en train de séparer les gens de la vérité parce que eux-mêmes ils n'ont pas la vérité. That people fast and pray always does not mean they are God's children. Dass Leute ständig fasten und beten heißt nicht, dass sie Kinder Gottes sind. Seulement parce que les gens prient et puis ils font des jeûnes, ça signifie pas qu'ils sont des enfants de Dieu. In Matthew 6 verse 5. Look at what Jesus said here. Hört euch an, was Jesus hier sagt. Matthäus 6 Vers 5. Matthew 6 verse 5. He said, "And where thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are, for they love to pray." Amen. They love to pray. Most of them, even at night, they don't even sleep. They pray all through. That does not mean you are a son of God. Einige von ihnen schlafen nicht nachts noch nicht mal und beten die ganze Zeit. Das heißt nicht, dass du ein Sohn Gottes wirst. Et les gens religieux, eux, ils aiment prier. Et puis il y a même des gens qui ne dorment pas dans la nuit parce qu'ils prient toujours. Mais seulement parce que tu pries, ça ne signifie pas que tu es un enfant de Dieu. Jesus said we should not be like them, though they love to pray. Jesus hat gesagt, wir sollen nicht so wie sie sein, obwohl sie es lieben zu beten. Et Jésus-Christ nous a dit de ne pas être comme eux, bien qu'ils aiment prier. Amen. Because having religion is not having Christ. Eine Religion zu haben heißt nicht Christus zu haben. Parce qu'avoir la religion, ça signifie pas que tu as Jésus-Christ. Amen. They after themselves, they after their parents' blessings. Sie sind hinter sich selbst her und hinter den Segen ihrer Familie, ihrer Eltern. Ils sont derrière eux-mêmes et puis ils sont derrière la famille, la bénédiction de la famille. Amen. No wonder some still worship their forefathers. Kein Wunder, dass einige von ihnen ihre Vorfahren anbeten um Segen und Leitung. C'est ça pourquoi il y a toujours des gens qui adorent leurs ancêtres. Amen. Pour avoir des bénédictions. They worship those that are already in hell. Sie beten die Leute an, that die for in der Hölle um Hilfe betteln. Ils adorent les gens qui les membres des familles qui sont déjà dans l'enfer. Praise the Lord. Hallelujah. Please go to Hebrews 9:27. Hebrews 9:27. I don't need prayer from any man, from any mother, any father. All I need, you know, is just Christ Jesus, and I'm satisfied. Ich brauche kein Gebet von einem Menschen, von einer Mutter, von einem Vater, und ich brauche einfach nur Jesus Christus. Und damit bin ich zufrieden. Je n'ai pas besoin d'une prière d'une mère ou d'un père. C'est simple. J'ai seulement besoin de Jésus Christ et puis je suis satisfaite. Amen. Amen. And I don't want any of my children to need my blessing because I'm their parent. Und ich will auch nicht, dass einer meiner Kinder meinen Segen braucht, weil ich ihre Mutter bin. Et je ne veux pas aussi qu'un de mes enfants ait besoin de ma bénédiction pour quelque chose parce que je suis leur parent. Praise the Lord. Amen. Amen. We need one another blessing because we are Christ. Wir brauchen Segen voneinander, weil wir Christus sind. Amen. So besoin Christ. De notre bénédiction, parce que nous sommes le Christ, tout est basé sur le Christ. Aber diese Tatsache basiert auf Christus alleine. Et cette vérité est basée sur Jésus-Christ. Hebrews 9, verse 27. Hebräer 9, 27. He said, and as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. After death is judgment. Nach dem Tod kommt das Gericht. Après la mort vient le jugement. Amen. Mm. You can see that in Luke 16. Wir sehen das in Lukas 16. The rich man Lazarus. Der reiche Mann und Lazarus, ihre Geschichte. On peut le voir dans Luc 16, l'histoire de Lazare et de l'homme riche. Amen. Mm. Some people believe that people come and go. People come and go. I don't know what they call it, reincarnation, or I don't know. They say people come. They come several times. But here he's telling us man die once. Mm-hmm. And after death is judgment. Und es gibt sogar einige, die glauben, dass Leute von wiedergeboren werden, wieder rückkehren und auf diese Welt wiedergeboren werden. Aber die Bibel sagt hier ganz klar, nach dem Tod kommt das Gericht. Il y a des gens qui croient à la réincarnation, donc la ou bien la renaissance. Mais Jésus-Christ nous a dit qu'après la mort, oui, il y a seulement le jugement de Dieu. Donc si tu es mort ici sur terre, là c'est fini, tu ne peux pas rentrer encore une deuxième fois pour vivre encore ici sur terre. Amen. Amen. Even in Nigeria, some people believe it. The Yorubas, for example, that's why they call their children Yabo. That is, my mother is back again. Mm-hmm. You can see it. So they believe in when people die, they come back. Once they die, they come back. But the Bible said after death is... man died once, after death is judgment. Mm-hmm. You know, that people look similar. Look, you know, if you look like the other, you look like your mother, does not mean this your mother. Mm-hmm. Are you getting it? Einige Stämme. Once they see, I'm coming, Chef. Once they see any mark from the body, they just say, this is, they'll even start calling the little girl their mother. Und einige Stämme und Völker glauben sogar an diese Reinkarnation und nennen sogar ihre Kinder, zum Beispiel in Yoruba, der Stamm glaubt sehr stark an diese Reinkarnation und deswegen nennen sie ihre Kinder oft übersetzt, meine Mutter ist sozusagen zurückgekehrt. Mhm. Ne? Und, oder wenn sie dann halt zum Beispiel sehen, dass, ach krass, dieses Kind hat genau die gleiche Augenfarbe wie ihre verstorbene Mutter oder dieses Kind hat genau die gleiche Haarstruktur oder so, besondere Haarstruktur wie ihr Vater, nennen sie dann sogar dieses Kind Vater, nennen sie sogar dieses Kind Mutter, um darauf hinzuweisen, dass dieses Kind eine Reinkarnation der verstorbenen Eltern ist. Et au Nigeria, par exemple, il y a un tribe, on les appelle les Yoruba. Eux, ils croient que la renaissance existe. Donc, si par exemple, ils ont mis une petite fille au monde, ils peuvent même appeler cette fille ma mère et au retour, parce qu'ils pensent que dès qu'il y a des ressemblances avec la mère qui est morte, ils vont toujours dire que c'est la mère qui est au retour, mais nous on doit savoir que c'est complètement démoniaque, ça c'est pas de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ nous dit que après la mort il y a seulement le jugement de Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. You know, Jesus is not a liar. Jesus kein Lügner. Et Jésus-Christ n'est pas un menteur. Amen. Amen. Look at what he wrote here. In Luke 16. Let's go there, please. Let us look at some few places there. On va lire Luke 16. It's about the rich man and Lazarus. Es geht um den reichen Mann und Lazarus. Il s'agit de l'homme riche et Lazare. And he came from verse 22, please, because 22. Of time. Verse 22. And it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. And the rich man also died and was buried. You see there? Amen. They died. After death is judgment. You can see it from verse 23. He said, and in hell he lift up his eyes. Already in hell. Their forefathers, that they prayed For the demand blessing from all the time. It's already here. It cannot help itself. Ihre Segen und Leitung streben, von denen sie Segen und Leitung streben, die sind schon in der Hölle, sie brennen schon. Die können sich selber noch nicht mehr helfen, geschweige denn dir helfen. Et donc verset 22-23 nous montre que tous les ancêtres qui n'appartenaient pas à Jésus-Christ et qui sont aussi adorés par les membres des familles sont tous en enfer. Et comment ils peuvent aider les membres de la famille si eux-mêmes ils sont dans l'enfer? In verse 24, it said, and he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and sent Lazarus that he may dip his tip of his finger in water. He's begging for just common water. Er bettelt um Wasser. Dans verset 24, on peut voir que l'homme riche demande seulement de l'eau. Praise the Lord. Hallelujah. How blind can people be? Wie blind können Menschen sein? Comment l'homme peut être How dead can they be? Wie tot können sie sein? Comment l'homme peut être mort? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Our prayer here in this ministry is Christ. Unser Gebet hier in dieser Gemeinde ist Christus. Notre prière ici dans cette église est Jésus Christ. It's Christ's prayer, not my prayer. Es ist das Gebet von Christus und nicht das Gebet von Menschen. C'est la prière du Christ et pas la prière de l'homme. Amen. Amen. It's Christ's prayer, not just a pastor prayer. Es ist das Gebet von Christus und nicht das Gebet eines Pastors. C'est la prière du Christ et pas en prière de une prière de d'un pasteur. Amen. Amen. It's Christ's prayer, not the parents' prayer. Es ist Gebet von Christus und nicht das Gebet von irgendwelchen Eltern. C'est la prière du Christ et pas la prière de parents. Amen. Amen. We don't need any blessing from any religious people. Wir brauchen keinen Segen von irgendwelchen Menschen. Wir brauchen ihre Gebete nicht. The prayer is evil to us. Gebete. It's evil before Christ. Ihre Gebete sind bösartig vor uns, bösartig vor Christus. Nous avons pas besoin d'une prière des hommes religieux parce que leurs prières sont mauvaises devant le Christ. We already have Christ's blessing. Wir haben schon den Segen von Christus Jesus. Nous avons déjà la bénédiction de Jésus Christ. Was Jesus come into your life? He come with his properties. Wenn Jesus in unser Leben kommt, kommt er mit seinem Besitz. Et si le Christ vient dans nos vies, il vient avec ses propriétés. Amen. Amen. Jesus was full of his father. Jesus war voll von seinem Vater. And not of Mary. Und nicht voll von Maria. Et Jésus, il était rempli de son père et pas de Marie. Amen. Amen. He did not need any blessing from Mary. Er hat keinen Segen von Maria gebraucht. Il n'avait pas besoin de la bénédiction de Marie. It was Mary that needed his blessing. Es war Maria, die seinen Segen gebraucht hat. C'était Marie qui avait besoin de la bénédiction de Jésus-Christ. Amen. Amen. A natural man, including your biological parents, they are under law. Der natürliche Mensch, auch deine biologischen Eltern, sie stehen unter dem Gesetz. Et l'homme naturel, même aussi tes parents biologiques, sont sous la loi. Under law means they are under curse. Unter dem Gesetz heißt, sie stehen unter einem Fluch. Et sans la loi, c'est vrai qu'ils sont sous une... Sous la loi. Malédiction. Amen. Yeah. Remember Genesis, where God caused everything here. An erster Mose. Amen. Because of Adam and Eve. Everything since then, everything, including man, have been under curse. Seitdem ist alles unter einem Fluch. Dans Genèse, on peut aussi lire que depuis la chute de Let's go to Galatians 3. Malédiction à cause de Adam et Ève. Galates 3. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Galatians 3:10. He said, "For as many as are of the works of the law are under the curse." We see this. For it is written, "Curse is everyone that continue not in all things which are written in the book of the law to do them." No one can achieve them. Niemand kann es erfüllen. They are just too, und deswegen, they are spiritual, man is flesh and blood. Sie der Verfluchte dort nach lebt. Es ist geistig und der Mensch ist Fleisch und Blut. Personne peut observer tout ce qui est écrit dans la loi parce que c'est impossible pour l'homme car l'homme est charnel. Amen. Amen. We thank the Lord for Christ Jesus. Wir danken dem Herrn für Christus Jesus. Vers 13. Amen. Do you see here? Verse 13. Christ has redeemed all from the curse of the law. Amen. Amen. Without Christ, you are under a curse. Ohne so your blessing is useless. Deswegen ist unser Segen dann nutzlos. Et sans le Christ, d'abord on a écrit que le Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Mais si tu n'as pas le Christ, là tu es sous la malédiction de la loi et puis là tes bénédictions sont inutiles. Praise the Lord. Hallelujah. Without Christ, you are cursed. Ohne Christus bist du verflucht. Et sans le Christ, tu es maudit. It means without total submission to Christ. Das heißt, ohne vollkommene Hingabe zu Christus bist du verflucht. Et si tu te soumets pas complètement à Jésus-Christ, là tu es maudit. Without the truth, you are cursed. Ohne die Wahrheit bist du verflucht. Sans la vérité, tu es maudit. That's why I said you are not free. Deswegen sagt er, du bist nicht frei. C'est ça pourquoi il dit que tu n'es pas libre. You are not free from the curses. Tu bist nicht frei von den Flüchen. Tu n'es pas libre des malédictions. Are you getting it? Malédiction. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Those that are sons, they are those that are free. Sind die frei sind. Et ceux qui sont des fils, ce sont eux qui sont libres. Romans 8, verse 14. Look at 14. Look at those that he called his sons. Hört euch die Leute an, die ihr blessed Söhne nennt. Romans 8, on peut lire la personne qui sont appelés les fils de Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. Romans 8, verse 14. Romans 8, verse 14. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Amen. Amen. They are the only ones that can bless. Die sind die einzigen, die and that can even curse. Die auch verfluchen können. Ce sont les seuls qui peuvent bénir et maudire. Amen. He said, I said, whatever you bless is blessed, and whatever you curse is cursed. Was immer du segnest, ist gesegnet, und was immer du verfluchst, ist verflucht. Tout ce que tu bénis, c'est béni, et puis tout ce que tu maudis et maudis. Remember, Jesus caused the fig tree. Erinnert euch daran, Jesus hat den Feigenbaum verflucht. Rappelle-toi, Jésus-Christ a maudit le figuier. Praise the Lord. Amen. It is only through Christ Jesus man can be free. Nur durch Christus Jesus kann der Mensch frei sein. Seulement à travers de Jésus-Christ l'homme peut être libéré. Amen. Again, if you are not free, you cannot free others. Nochmal, wenn du nicht frei bist, kannst du niemanden befreien. Si tu n'es pas libre, tu ne peux pas libérer les autres. If you are not blessed, you cannot bless others. Wenn du nicht gesegnet bist, kannst du nicht andere segnen. Si tu n'es pas béni, tu ne peux pas bénir les autres. Remember Genesis 12. He said, I will bless you and I will make you a blessing. I will bless you that you can also bless others. If you are not blessed, how can you bless others? Wenn du nicht gesegnet bist, wie willst du andere segnen? Dans Genèse 12, on a écrit que Dieu a dit, je vais te bénir pour que tu sois aussi une bénédiction pour les autres. Mais si tu n'es pas béni, comment tu peux être une bénédiction pour les autres? Praise the Lord. Amen. What Christ called blessing and what they call blessing are not the same. Was Christus segnet, was sie segnen, ist nicht gleich. Ce que le Christ appelle une bénédiction et ce que l'homme appelle une bénédiction sont deux choses différentes. In Luke 11, verse 27, you can see. Let's go to what they call blessing. Mm-hmm. Lukas 11, 27. Bless. Schauen wir uns an, was sie segnen. Dans Luke 11, verset 27, on peut voir ce que l'homme appelle bénédiction. Luke 11, verse 27. Lukas 11, 27. Luke 11, verset 27. Praise the Lord. Amen. Amen. You remember here? Mm-hmm. Amen. Amen. You can see what they call blessing. Sie, was sie segnen. What they call bless. Was sie gesegnet haben. It's all about the flesh. Es geht um das Fleisch. It's all about their five senses. Es geht um ihre fünf Sinne. Il s'agit seulement de leurs cinq sens. He said, and it came to pass, as he spake these things, a certain woman of the company lifted up her voice and said unto him, blessed is the womb. You said, say, blessed. Glückselig. What they call blessed. Was sie glückselig nennen. It's all about the flesh. Es geht um das Fleisch. Donc il s'agit seulement de ce que la chair appelle une bénédiction. Amen. She said, blessed is the womb that bare thee, and the pulse which thou hast sought. Praise the Lord. Alleluia. You know, Jesus never ignores. Jesus had what niemand ignoriert. He proved everything. Er hat alles geprüft. Et Christ a jamais ignoré les paroles. Il a toujours, il a tout, tout examiné. Amen. It's like this ministry. We never ignore things just like that. Diese Gemeinde, we prove all things because 1 Thessalonians 5:21 said, prove all things. Wir prüfen alles in dieser Gemeinde, ne? Weil in 1. Thessalonicher steht, dass wir alles prüfen sollen und das Gute behalten. It's a proof of things. Alles sollen wir prüfen. Et 1. Thessalonicher nous dit qu'on doit tout examiner. 1. Thessalonians 5. 5. Verse 21. 1. Thessalonicher 5, Vers 21. Prove all things. Prüfe so fast that which is good, which is Christ. Which is good me, which is Christ. Prüft alles, not das Gute behaltet. Das Gute von Christus, nicht das Gute dieser Welt. On a écrit dans verset 21, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Mais il s'agit du bon de Jésus-Christ, et pas du bon de ce monde. Praise the Lord. Alléluia. Back to Luke 11, please. Sauf zu Lucas 11. Luke 11. Amen. Amen. He was always proving things. That is Christ Jesus. Jesus hat immer Dinge geprüft. Jésus-Christ a toujours tout examiné. Amen. Amen. He did not, you know, he did not just keep quiet. Er hat nicht einfach nur still. Verse 28, you can see. Er war nicht einfach nur ruhig. Amen. He said, but he said, yea, rather blessed are they that bear the word, that hear the word of God and keep it. Praise the Lord. Alleluia. Amen. You don't just listen to somebody and is talking evil and you just keep quiet. Amen. Er sagt Luke die ganz 11, Vers 28, glückselig sind viel mehr die, die Gottes Wort hören und es bejahen. Du akzeptierst nicht einfach diese Lügengebete oder Segnungen, die Leute über dich sprechen. Verset 27 et 28. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit, heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Donc ça montre que Jésus-Christ, il n'était jamais calme quand les gens ont commencé à prononcer des bénédictions charnelles sur lui. C'est comme ça aussi comment nous on doit agir. Amen. Don't just, you know, when you listen to people or you read something through internet, don't just be quiet. Always reply with Christ. Amen. Because see what Christ did here. Antworte immer mit Christus Jesus. Du siehst, was Christus hier getan hat. Er hat dieser Frau geantwortet auf ihr Lügengebet, auf ihre Lügensegnung. Et si tu entends une personne qui prêche des mensonges, mais tu le lis même dans les réseaux sociaux, ne tiens pas, mais ne ferme pas ta bouche, tu dois toujours les corriger. C'est parce que même Jésus-Christ l'a fait ici dans verset 28. You can see Jesus rejected that blessing. Vous voyez, Jésus a diesen Segen sozusagen verweigert. Christ a rejeté cette bénédiction. Amen. Because he hated to hear the voice of Satan. Weil er hasst es, die Stimme des Satans zu hören. Parce qu'il déteste de sentir l'odeur du diable. No matter how good it sounds. Ja, wie gut es sich anhört. N'importe comment ça tombe. Amen. Prove it. Prüfe es. Tu dois l'examiner. Amen. We are just like that here in this ministry. Und so sind wir hier in dieser Gemeinde. We prove all things. Wir prüfen alles. Et même nous aussi dans cette église, nous sommes comme ça, on examine tout. Amen. Christ Jesus hated their sacrifice. Christus Jesus hasst ihre Opfergabe. Jésus Christ, il déteste leur sacrifice. He hated their fasting and he hated their prayer. Ihr Fasten und ihr Gebet. Ils détestent leur jeûne et prière et oui leur prière. You can see everything here. You know, he hates their blessing. Er hasst auch ihren Segen. Ils détestent aussi leur bénédiction. Because they are evil. Weil es bösartig ist vor ihnen. Ils sont tout. Amen. Parce que leurs prières sont mauvaises. Because they smell even more than shit. Weil es riecht mehr als Mist. Parce que ça sent même plus le. Proverbs 21, please. Sprüche 21. Proverbe 21. Praise the Lord. Amen. Proverbs 21, verse 27. Sprüche 21, Vers 27. Proverbs 21, verse 27. It's like the sacrifice of the wicked. Amen. Mm-hmm. The wicked are those that reject the truth. Die Gottlosen, die die Wahrheit verweigern, die Wahrheit hassen. Die Gottlosen. Les méchants sont les gens qui détestent et rejettent la vérité. He said it's abomination. How much more when he bringeth it with a wicked mind? Das Opfer der Gottlosen ist ein Greuel, zumal wenn man es mit Bosheit darbringt. Le sacrifice des méchants est quelque chose d'abominable. Combien de plus quand il offre avec des pensées criminelles. Your sacrifice cannot save them. Ihre Opfergabe kann sie nicht retten. Leur sacrifice ne peut pas les sauver. Only one sacrifice is salvation. Nur eine Opfergabe ist Errettung. Seulement un sacrifice est le salut. Amen. Mm. And Christ, that is Christ's sacrifice. The sacrifice of Christ Jesus. Amen. Et c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen. Again in verse in Luke 11. Lucas 11. Luke 11. Verse 28. Jesus rejected the prayer. He rejected the blessing. Jesus hat das Gebet verweigert, hat den sogenannten Segen verweigert. Et Jésus-Christ a rejeté la bénédiction de cette femme. You can see that it was Satan that was speaking through that woman. Ihr seht, es war der Satan, der durch diese Frau gesprochen hat. On peut voir que c'était le diable qui avait parlé à travers cette femme. If not Jesus, will not reject it. Because cannot reject, he will not reject himself. Weil er wird sich selbst ja nicht verweigern. Sinon Jésus n'allait pas rejeter cette femme parce qu'il ne peut pas se rejeter lui-même. Amen. Amen. You know, Satan always uses scripture. Der Satan benutzt immer die Schrift. Amen. He used the scripture through that woman. Go to Luke 1. Lucas 1. Luke 1. We help you. Amen. Verse 28. 28. He used the word of the angel. Er hat das Wort der Engel genutzt. To speak through that woman. Durch diese Frau zu sprechen. 28. Oh. I love, you know, the signing of the Spirit of Christ Jesus was so bad. Mm. Very, very bad. Ich liebe die Unterscheidung der Geister, in der Christus Jesus gewandelt hat. Look at verse 28 of Luke 1. Lukas 1, 28. Luke 1, verse 28. And the angel came in unto her and said, hey, Thou that are highly favored. The Lord is with thee. Blessed art thou among women. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. You can see, blessed art thou among women. Gesegnet, gesegnet bist du unter den Frauen. Okay. Es ist ein Krieg. Marie est bénie par toutes les femmes. Praise the Lord. Hallelujah. And if you look at what this woman said. Entre toutes les femmes. Und wenn du dir anschaust, was diese Frau gesagt hat, in Lukas 1, Vers 28, der letzte Satz. If you look at, let's go back to where this, what this, that's Luke 11. Luke 11. Look at this. He said, blessed. Exactly what the angel said to Mary. Mm-hmm. And it came to pass, verse 27 of Luke 1, Luke 11, please. Sorry. Luke 11, this time. So that we check the two together. Mm-hmm. Wir wollen Lukas 1, die Segnung des Engels, und Lukas 11, die Segnung dieser Frau miteinander vergleichen. Et maintenant, je compare la bénédiction de l'ange Gabriel avec celle de la femme dans Luke 11, verset 27. And it came to pass, as he spake these things, a certain woman of the company lifted up her voice and said unto him, blessed is the womb. You can see he's talking about Mary. Mm-hmm. Amen. Amen. Mm-hmm. That bear thee, and the paths which thou hast sought. Amen. Mm-hmm. But Jesus, he could smell Satan. Aber Jesus konnte den Satan riechen. Because he's always after the flesh. He loved the flesh so much. Der Satan das Fleisch liebt. Mais Jésus-Christ pouvait reconnaître le diable parce que le diable aime vraiment la chair. Amen. Amen. Again in Luke 1 verse 28. The angel said to Mary, blessed art thou among the natural women. Not the supernatural women. Sprach zu Maria, du unter den Frauen. Nicht den übernatürlichen, sondern unter den Frauen. You see there. Blessed art thou among women. He's talking about the natural women. It is true. Among the natural women, Mary is the greatest. Amen. But it's not about the angel was talking about the natural people. Der Engel hat sie hervorgehoben aus den Reihen der natürlichen, aber nicht hervorgehoben im Geistlichen sozusagen. Und deswegen hat er gesagt, gesegnet bist du unter den Frauen, aber nicht unter den übernatürlichen Frauen. Dans la traduction française, c'est un peu différent, mais on peut voir comment l'ange Gabriel dit que Marie est bénie par entre toutes les femmes naturelles, mais c'était une chose charnelle parce qu'elle avait eu la grâce de Dieu de porter Jésus-Christ, mais ça ne signifie pas que Marie était bénie entre toutes les femmes qui sont surnaturelles. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. He talks about the natural people and not the supernatural of Christ Jesus. Und nicht die übernatürlichen von Christus Jesus. Donc, l'ange parle ici des femmes qui sont naturelles et pas des femmes qui sont surnaturelles en Jésus Christ. And Jesus says similar thing in Matthew 11, verse 11. Concerning John. Etwas Ähnliches gesagt über Johannes in Matthäus 11. Amen. Amen. If you go to Luke, Matthew 11, verse 11, Matthäus Jesus did not include himself. Jesus hat sich selbst nicht da himself was excluded. Er hat sich da ausgeschlossen von. Matthieu 11, verset 11. Matthieu 11, verset 11. Dans Matthieu 11, verset 11, on peut voir que Jésus-Christ s'est séparé de la chair. Il dit, verily, I say unto you, among them that are born of women, they had not risen greater than John the Baptist. Notwithstanding, he that is least in. Do you see something there? Amen. He said, there is no one greater than you among them. Jesus did not include himself. Because he was not born by man, but by the power of the Holy Spirit. Amen. Jesus sagt, unter denen, die von Frauen geboren sind, ist kein größerer aufgetreten als Johannes der Täufer. Damit schließt er sich aus, denn er ist aus Gottes Kraft geboren, nicht aus seiner Frau. Amen. Verset 11, on a écrit, je vous l'ai dit en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. You know how you know that he did not include himself? It's the same place. Look at it again. Amen. The same place, the same verse. He said, verily I say unto you, among them that are born of women, they had not risen a greater than John the Baptist. Notwithstanding, he that is least in the kingdom of heaven, he is the kingdom of heaven. The smallest, because he is the greatest. The smallest is greater than John. I don't know if you get it. Ja. Und hier erklärt er auch doch der kleinste Reich der Himmel ist größer als er. Jetzt nimmt er wieder, jetzt bezieht er sich wieder auf sich selbst, indem er ganz klar sagt, ich bin aber dennoch größer als er, weil selbst der kleinste unter mir in meinem Reich ist immer noch größer als er. Und ich bin ja der Kopf dieses Reiches. Ich bin ja dieses Reich. Jésus-Christ dit dans verset 11 qu'il n'a pas une autre personne qui est plus grand que Jean-Baptiste, puis lui-même il s'est séparé de cette phrase parce qu'il parlait de l'homme naturel, parce que lui-même il n'a pas été né par l'homme, il a été né par la puissance du Saint-Esprit. Et après dans verset 12 il dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent le royaume des cieux est force. Amen. Donc il dit en général que chaque personne qui est sous Jésus-Christ est même plus grand que la personne qui est plus grande au royaume des cieux. Amen. You can see. Praise the Lord. Jésus-Christ est le royaume des cieux. Et Jean-Baptiste est l'homme le plus grand qui a été né par une femme. Mais comme Jésus-Christ est le plus grand dans le royaume des cieux, le plus petit qui est dans son royaume est plus grand que le plus grand qui est né dans le monde, que Jean-Baptiste. Praise the Lord. Hallelujah. Let me explain it again, the way maybe you get it better. Amen. Everything of Christ, they are all supernatural. Alles von Christ ist übernatürlich. Et tout de Christ est surnaturel. And not natural. Und nicht natürlich. C'est pas naturel. They are all of heaven. Es ist alles vom Himmel. And not earthly. Und nicht irdisch. Amen. Donc ils sont célestes et pas terrestres. If you divide this verse into two, A and B, A should be up to John the Baptist. The B should be notwithstanding he that is least in the kingdom of heaven. The A, you can see it, it talk about the natural world. Amen. Then the B is talk about the heavenly world. Wenn du diesen bei Matthäus 11, Vers 11, diesen Vers in zwei unterschiedliche Verse sozusagen einteilen würdest, würdest du vor dem Semikolon, also vor Johannes dem Täufer, geht es um die natürliche Welt. Und nach diesem Semikolon, doch der kleinste Reich der Himmel, geht es um die übernatürliche Welt. Et dans verset 11, si on divise verset 11 en deux parties, là où Jésus-Christ parle d'abord de Jean-Baptiste, c'est A, et puis là où Jésus-Christ parle de plus petit, mais plus grand, de roi, monsieur, c'est B. I hope you understand it. Mm-hmm. Praise the Lord. Et dans la première partie, Jésus-Christ parle des choses naturelles, et puis dans la deuxième partie, Jésus-Christ parle des choses surnaturelles. Amen. Amen. If your parents are not saved, they need you to make heaven. Wenn deine Eltern nicht errettet sind, natural parents, brauchen sie dich, um errettet zu sein. Et si tes parents naturels ne sont pas sauvés, là, ils ont besoin de toi pour entrer au royaume des cieux. Because you are already in heaven. Du bist schon im Himmel. Parce que toi, tu es déjà aux cieux. Just like Mary and Jesus. Genauso wie Marie und Jesus. C'est la même chose comme avec Jésus et Mary need Jesus to make heaven. Maria braucht Jesus, um uns in den Himmel zu packen. Marie avait besoin de Jésus pour entrer au royaume des cieux. Jesus did not need Mary to make heaven. Jesus hat Maria nicht gebraucht, um in den Himmel zu gehen. Et Jésus-Christ n'avait pas besoin de Marie pour entrer au royaume des cieux. Amen. Amen. He is already from heaven. Er ist schon vom Himmel. Parce que lui-même, il est déjà des cieux. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. He is from heaven. Er ist vom Himmel. John 6:38. Let's quickly go there, please. 38. John 6:38. Praise the Lord. John 6:38. John 6. 38. Johannes 6, 38. Jean 6, verset 38. He said, for I came down from heaven. Praise the Lord. Oh, yeah. I love his word. Ich liebe sein Wort. Amen. Yeah. I came down from heaven. Ich kam aus dem Himmel. Car je suis descendu du ciel. And not to do my own will, but the will of him that sent me. Mm-hmm. Amen. Amen. Then John 8. Since we are seeing John, let's go to John 8, verse 23. Um den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat und nicht meinen eigenen. Mon père, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et maintenant, va dire John 8. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Verse 23, please. 23. And he said unto them, you are from beneath, I am from above. You are of this world, I am not of this world. Und er sprach zu ihnen, ihr seid von unten, ich bin von oben. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Amen. Verset 23, et il leur dit, vous êtes en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Jesus is from above. Mary is not from above, is from beneath. Jesus ist von oben, aber Maria ist von unten. Jésus-Christ est d'en haut et Marie est d'en bas. Amen. Amen. Jesus, you know, Mary needs Jesus to be from above. Maria braucht Jesus, um auch von oben zu sein. Et Marie a besoin de Jésus-Christ pour être d'en haut. Without Christ Jesus, Mary can never be from above. Ohne Christus Jesus kann Maria nicht von oben sein. Et sans Jésus-Christ, Marie ne peut pas être d'en haut. That God used her does not mean she's saved. Dass Gott sie genutzt hat, heißt nicht, dass sie errettet ist. et que Dieu a utilisé Marie, ça signifie pas qu'elle était sauvée. If somebody gets anything. Mm. You can use anything. Il can alles benutzen. Parce que Dieu peut utiliser Amen. Chaque chose. That does not mean they are saved. Ça signifie pas que cette chose. You can use the tree, the rock. Est sauvée. You can use the tree. Il can boire benutzen. Il peut utiliser l'arbre. You can use the rock. Il can steine benutzen. Et même des pierres. You can use the rod. Il can einen Stab Remember benutzen. Moses' rod. Wie der Stab von Mose. Il peut même utiliser le bâton. You can use donkey. Il kann sogar eine Esel benutzen. Il peut même utiliser un âne. Amen. You can use man or woman. That does not mean they are saved. Einen Mann oder eine Frau nutzen. Das heißt, dass diese Menschen errettet sind. Il peut utiliser un homme ou bien une femme, ça signifie pas qu'ils sont sauvés. Amen. Jesus, no, Mary need the blood of Jesus to be saved. Maria braucht das Blut von Jesus Christus, um errettet zu sein. Marie avait besoin du sang de Jésus Christ pour être sauvée. Somebody get it. Look at John 6 again. Let's go to John 6 from verse 32. Johannes 6, 32. Praise the Lord. Hallelujah. Then Jesus said unto them, including Mary, mm-hmm. not only all, you know, I said to everybody, amen. Jesus sprach zu ihnen und Maria war mit eingeschlossen. Jesus Christ avait parlé ici dans Jean 6, verset 32, il a parlé à tout le monde, même à Marie. Why am I using Mary? As an example here. Wieso benutze ich Maria hier die ganze Zeit als ein Beispiel? Et pourquoi j'utilise Marie comme exemple? Amen. Naturally. Natürlich. Amen. In a natural world, Mary is the greatest. In der natürlichen Welt ist Maria die größte unter allen Frauen. Naturellement, Marie était la plus grande personne entre toutes les femmes. And your so-called biological parents that are not safe. Deine sogenannten biologischen under Mary. Eltern, die nicht errettet sind, sie stehen unter Maria. Et tes parents biologiques ils ne sont pas sauvés, ils sont sous Marie. What Mary don't have, they don't have either. Was Maria nicht hat, haben sie auch nicht. If somebody gets it. Que Marie n'a pas. Tous ses parents biologiques ils ont pas aussi. Mary does not have any blessing. Maria hat keinen Segen. To bless anyone. Um irgendjemanden zu segnen. Marie n'a pas besoin de quelqu'un d'être béni. And that's why your parents without Christ Jesus, they don't have. You know, if I say Christ Jesus, the truth, it must be Christ, really Christ Jesus, not religion. Deswegen, don't have any blessing to bless. Haben deine Eltern keinen Segen ohne den wahrhaftigen Christus Jesus? Ich meine nicht den religiösen Christus Jesus, den sie behaupten zu haben, sondern den wahrhaftigen Christus Jesus. Sans Jésus-Christ, Marie n'est pas bénie et c'est la même chose avec tes parents naturels. Sans le Jésus, le vrai Christ, tes parents n'ont pas une bénédiction à te donner. From verse 32, please, to 35. Then Jesus said unto them, Verily, I say unto you, Moses gave you not that bread from heaven, but my Father giveth you the true bread from heaven. Amen. Amen. For the bread of God is he which cometh down from heaven and giveth life unto the world. Then said they unto him, Lord, evermore give us this bread. And he said, and Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger. Amen. And he that believeth on me shall never thirst. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. It means with him you are covered. Das heißt, mit ihm sind wir bedeckt, geschützt. Donc, ça signifie qu'avec Jésus-Christ, nous sommes toujours protégés. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Without eating his flesh and drinking his blood, you have no life. Ohne sein Blut zu trinken including Mary. Und sein Fleisch zu essen, haben wir nicht sein Leben in uns. Und das gilt auch für Maria. Et si tu ne manges pas sa chair et que tu ne bois pas son sang, là tu n'as pas la vie. Et c'était aussi adressé à Marie. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise Jesus. Amen. Your children are not blessing for you until you allow Christ to train them. Mm-hmm. deine Kinder sind kein Segen für dich, es ja, sei denn, course. Du lässt ja, zu, dass der Herr sie erzieht, weil sonst sind sie einfach nur Flüche. Tes enfants ne sont pas une bénédiction de l'Éternel si tu ne les soumets pas à Jésus-Christ, parce que là, ils vont être des malédictions dans ta vie. Amen. Amen. In Deuteronomy 28, verse 32, then verse 41, then to 46. If you read it, you can see it. Talks about your children. In 5. Mose Amen. Lesen wir sehr viel It's über not die by Kinder. Prayer. Über unseren Samen, über die Kinder. Are they born a blessing? Da geht es nicht um das Gebet, sondern sind sie als Segen geboren, ist die Frage. Et dans le Deutéronome, on peut lire beaucoup de choses sur les enfants. Et là, il ne s'agit pas d'une prière des parents, mais la question est toujours, est-ce qu'ils sont nés comme une bénédiction? Blessing does not come by prayer. Der Segen kommt nicht durch das Gebet. La bénédiction ne vient pas à travers des prières. Let's go to Deuteronomy 28. I want us to go there. Because it looks similar in people's life today. it looks similar. Exactly. Amen. If you go to Deuteronomy 28. Exactly. You see what is there. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, we always laugh, we say exactly. Amen. Mm-hmm. Look at Deuteronomy 28. Deuteronomy 28. Verse 32. He said, your sons and your daughters shall be given unto another people, and your eyes shall look and fall with longing for them all the day long. And there shall be no might in your hands. You know, somebody, the son is being taken by the government. Can see it, he's here. Without Christ, you are a problem. You just need Christ. Ohne Christus Jesus bist du in Gefangenschaft, bist du in einem Problem. Die Regierung kann dir sogar deine Kinder wegnehmen. Et verset 32 nous montre que sans le Christ, tu as vraiment un grand problème. Et même aujourd'hui, on peut voir aussi comment le gouvernement peut même confisquer tes enfants pour prendre soin d'eux. They will train them with their evil. Und sie werden sie ausbilden mit ihrem bösartigen System. Et tes enfants seront entraînés avec le système mauvais de ce monde. Verse 41. 41. He said, thou shalt be God's sons and daughters. But thou shalt not enjoy them, for they shall go into captivity. Oh. Praise the Lord. Mm-hmm. Amen. Amen. Then in verse 42. 41. Verse 42. Amen. Mm-hmm. He said, all thy trees and fruit of your land shall the locusts consume. 42, the Dutch version. The stranger that is within thee shall get up above thee very high, and thou shalt come down very low. He shall lend to thee, and thou shalt not lend to him. He shall be the head, and thou shalt be the tail. Moreover, all these curses shall come upon thee, and shall pursue thee, and overtake thee, till thou be destroyed, because thou hearkenest not unto the voice of the Lord your God, to keep his commandment and his statutes, which he commanded thee. Praise the Lord. Hallelujah. Please let us obey his voice. Lass uns bitte seiner Stimme gehorchen. Amen. Amen. That chapter is full of his blessing and is full of curses. Dieses Kapitel ist voll von seinem Segen und von seinen Flüchen. Et Deutéronome 28 est rempli de la bénédiction de Dieu, mais aussi de malédiction qui vient de Dieu. Amen. Amen. With our own people, is Christ our own people. Yeah, I don't know if you are getting it. You know, here he's talking about the natural people. In heaven, you don't own anyone. Hier geht es um die natürlichen Leute, aber im Himmel gehört dir niemand. Et dans Deutéronome 28, c'est adressé aux gens naturels. On doit savoir qu'aux cieux, on n'appartient pas, ou bien les gens n'appartiennent pas à nous, mais à Jésus-Christ. Amen. On Sunday, by God's grace, we continue with our message. Amen. Praise the Lord. Am Sonntag, bei Gottes Gnade, werden wir weiter mit der eigentlichen Predigt machen. Et on dimanche, par la grâce de Dieu, on continue avec notre message. You know, when you read the Bible, check who is speaking and who are those he's speaking to. Wenn du die Bibel liest, is it that the natural people or the supernatural people? Wer spricht und wer angesprochen wird? Entweder werden die natürlichen Leute angesprochen oder die übernatürlichen. Et si tu lis la Bible, tu dois faire attention à bien, tu dois savoir à qui cette passage est adressé. Si c'est adressé, tu dois savoir si c'est adressé à l'homme naturel ou bien à l'homme surnaturel. You believe you are Christ. Tu crois que tu es Christus. Tu crois que tu es le Christ. Amen. Mm-hmm. And you know, once it comes to everything, you are Christ. Und wenn es um alles geht, bist du Christus. Et quand il s'agit de tout, tu es le Christ. And including when it comes to death, you are Christ. Auch wenn es um Schulden geht. Bist du Christus? Et même quand il s'agit de dette, tu es Christ. Amen. Amen. If you come to sicknesses and diseases, you are Christ. Wenn es um Krankheiten und Seuchen geht, bist du immer noch Christus. Et quand il s'agit de maladie, tu es aussi le Christ. If you come to death, you are Christ. He defeated death. Wenn es bis zum Tod geht, bist du immer noch Christus, weil er den Tod besiegt hat. Amen. Et même si il s'agit de la mort, tu es toujours le Christ parce que Jésus-Christ a défié la mort. He can give life, there's no money, he has no faith. Wenn er Leben geben kann, dann gibt es kein Geld, was er nicht schon gezahlt hat. Jésus-Christ a vécu la mort et s'il peut donner la vie, il n'y a pas aucun argent qu'il ne peut pas payer. Don't be him in some area and not him in another area. Sei nicht er in einigen Bereichen und in anderen Bereichen bist du wieder jemand ganz anderes. Et ne sois pas le Christ dans certaines Amen. In some area it's Christ, Christ, Christ. And when it comes to the other area, it's you. You are not the one in death. See yourself in death. Reject it. Bist du irgendjemand anderes und du siehst dich als Schuldner. Et ne sois pas une personne qui dit que bon, ici je suis le Christ, mais quand il s'agit des dettes, là tu te vois toi-même, là tu penses que tu es toi la personne qui a des dettes. No wonder he said the just shall live by faith. Kein Wunder, dass er sagt, die Gerechten sollen durch Glauben leben. C'est ça pourquoi il a dit les justes vivront à travers la foi. The just shall live by reminding themselves that they are of heaven. Die Gerechten sollen that's how you are free. Leben, indem sie sich daran erinnern, dass sie zum Himmel gehören. So bist du frei. Les justes, ils vivent seulement quand ils se rappellent qu'ils appartiennent aux cieux. Et c'est comme ça, nous sommes libres. You know, comment Elisha and the servant, they were able to live in heaven. Even before the payment. Those that be with us are more than those that be with them. They were able to live there and I'll pray there. God's children today are not able to live anywhere. They are not here, they are not there. Elisha und sein Knecht, sie waren in der Lage danach zu leben. Aber die Kinder Gottes heutzutage, sie können sich nicht entscheiden, sind nicht hier, sind nicht dort. Même Élisée et son servant, ils ont été capables de vivre aux cieux. Ils ont dit que la personne qui est avec nous est plus grande que la personne, ou bien les gens qui sont dehors. Mais nous, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas ici, nous ne sommes pas là-bas. Remind yourself where you are from. Erinnert euch bitte immer daran, woher ihr kommt. Conscious of it. Be aware of it. Eure Herkunft bewusst. Let it be your meditation. Weißt du, dass ihr darüber nach sind? I am from heaven. I belong to heaven. I am of heaven. Ich gehöre zum Himmel. Et rappelez-vous toujours de votre où vous appartenez. Et rappelez-vous toujours que vous appartenez au royaume des cieux. Vous devez avoir la conscience que vous appartenez au royaume des cieux. C'est très important. Praise the Lord. Hallelujah. Blessing does not come by prayer. Der Segen kommt nicht durch das Gebet. Amen. You know, that's why when their mother prayed for them, when they marry, you can see how they fought and they destroyed themselves. Ihre Mütter Amen. Und Väter beten für sie, mother, wenn sie heiraten. Both mothers. The mother of the body, mother of the... You can see. Because blessing, it comes by relationship with Christ. That's how you have blessing. It's not by prayer. So they pray for me so that I have blessing and I live like Satan. Mm-hmm. And live the life that Satan wants me to live. Mm-hmm. It doesn't work that way. Once you come to the kingdom of heaven. Weil Leute wollen, dass man für sie betet und dann so lebt wie der Satan. Also funktioniert das nicht. Mm-hmm. Eine Religion, aber nicht im Königreich Gottes. Et les gens, ils veulent toujours qu'on prie pour eux, pour avoir la bénédiction de Dieu, mais pour qu'ils continuent à vivre comme le diable. Mais ça, ce n'est pas la façon comment le système de Dieu fonctionne. Praise the Lord. La bénédiction de Dieu, ça vient à travers la relation avec Jésus-Christ, ce n'est pas à travers des prières charnelles. Amen. Amen. Bless again, blessing does not come by prayer. It is like peace. Mm-hmm. You know, peace does not come by prayer. He said, the Lord will keep him in perfect peace, whose mind is set upon him. Mm-hmm. If your mind is full of Christ, you will have peace. It's not by prayer. Mm-hmm. No prayer can give you peace. Wenn deine Gedanken voll sind von Christus, wirst du auch Frieden haben, aber kein Gebet kann dir Frieden schenken. Mm-hmm. Und das savoir que la paix et la bénédiction de Dieu, ça ne vient pas à travers tes prières, mais ça vient à travers ta relation avec Jésus-Christ. Et si surtout tes pensées sont remplies de Jésus-Christ, c'est là où tu vas avoir la paix et la bénédiction de Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. It is also like joy. No prayer can give you joy. Kein Gebet kann dir Freude geben. Et aucune prière peut te donner la joie. Remember in Luke, the book of Luke, Jesus said, rejoice because your names are written in heaven. You can see. What gives you joy is not prayer. Was dir Freude gibt, ist nicht das Gebet. Et la chose qui te rend la joie, ce n'est pas la prière. Or even freedom. Oder auch Freiheit. Mais c'est la même chose avec la liberté. It's that you shall know the truth. Will die Wahrheit erkennen. Then you are free. Und so seid ihr frei. And not prayer. Prayer can never free anyone. Und nicht Gebet kann niemand mehr freien. Jésus-Christ a dit que c'est... Auto prayer be free. Jésus-Christ a dit si vous... il a dit que la vérité va vous rendre libre, c'est pas la prière. Amen. Can see religion today, they are just after prayer. They are not in just prayer. They fast prayer. Gebet und Fasten her. Et les gens religieux sont toujours derrière la jeûne ou bien prier, mais ça va pas résoudre tes problèmes. Everything of Christ Jesus does not come by prayer. Aber alles von Christus Jesus, I said it in Benin today. Some man will say, because you live in Europe, you don't know what our prayer is important. You know, there you can, there's food, there's everything. There's, you can just eat whatever you want. To. You don't know here, witches and wizards, there are very many. Without prayer, they finish you. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Maybe Jesus did not know there are witches and wizards in Nigeria. Amen. Amen. Und vielleicht, genau, und auch, ich habe das auch in Nigeria gepredigt und jemand hat gesagt, ach, ihr Europäer, ist klar, dass ihr so denkt, weil ihr habt keine Probleme, ihr braucht das Gebet nicht. Euer Kühlschrank ist immer gefüllt, euer Konto ist da, der Arzt wartet nur darauf, dass er euch behandeln darf. Alles ist euch gegeben, deswegen müsst ihr nicht beten, aber uns, die Satanisten und Hexen, und die warten da auf uns zu zerstören in der Nacht und wir müssen beten, sonst kommen wir gar nicht klar. Aber anscheinend wusste Jesus Christus nicht, dass in Nigeria es Hexen und Magier gibt, die hinter Leuten her sind. Et quand on était au Nigeria, j'avais prêché aux gens que ce n'est pas la prière qui va vous rendre libre, mais c'est la relation avec Jésus-Christ. Et il y avait une personne qui m'a dit, bon, la raison pour laquelle tu dis cette phrase, c'est parce que tu viens d'Europe. Chez vous, là-bas, il n'y a pas de sorcières. Chez vous, là-bas, il n'y a pas, vous n'avez pas faim ou bien de problème avec l'argent. Mais donc ça semble comme si Jésus-Christ avait oublié ou bien il ne savait pas que des sorcières existent parce que eux au Nigeria ils dépendent tellement de prières que sans prier ils ne peuvent pas. Praise the Lord. Hallelujah. Again, everything of Christ does not come by prayer. Alles von Christus kommt nicht durch Gebet. Et les choses du Christ ne viennent pas à travers la prière. But by relationship with him. Sondern Beziehung mit ihm, eine Liebesbeziehung mit ihm. Mais ils viennent à travers une relation d'amour avec Jésus-Christ. Amen. Amen. By loving the truth, no matter how hard it is. Indem man die Wahrheit liebt, love it, obey it. That's how it works. That's his principle. Das ist ihr Prinzip. Et le principe du Christ est que tu aimes la vérité, n'importe comment ça fait mal à la chair. Everything in his kingdom works by principle, and never by sentiment. It's not who cry most. Mm-hmm. It's not who beg most. It's not who, you know, so innocent. There's no one innocent on earth. Mm-hmm. Und alles in seinem Königreich funktioniert durch Prinzipien. Es geht nicht um, wer am meisten geweint hat oder wer am meisten gelitten hat oder wer so unschuldig ist oder wirkt. Et on doit savoir que le royaume de Dieu, tout est fait à travers les principes de Jésus-Christ et pas à travers des sentiments. Donc il ne s'agit pas de la personne qui pleure beaucoup, bien qui a souffert beaucoup, ou bien la personne qui est innocente. Parce que Jésus-Christ nous dit qu'ici sur terre, personne n'est innocent. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God kind of blessing, God kind of joy, God kind of peace, God kind of rest. Gottes Segen, Gottes Ruhe. La bénédiction de Jésus-Christ, amen. Sa joie, sa paix, Gottes Frieden. Ja. You have them by knowing him. Wir haben das alles, indem wir ihn erkennen. Tu as cette chose à travers, si tu le connais, à travers la connaissance de Dieu. Remember what he talked about is rest. Mm-hmm. He said, come on, to me, all you that labor, I will give you rest. Wenn er über seine Ruhe spricht. What is the problem? Come to me. Mm-hmm. In me you will find rest. Mm-hmm. If you remember how I love you, you will rest. Wenn du dich daran erinnerst, wie sehr ich dich liebe, wirst du dich ausruhen. Dann wirst du dir keine Sorgen machen. Et Jésus-Christ nous dit que si tu te rappelles au fait que je t'aime, là tu vas pas avoir des soucis. C'est comme ça. Et c'est la vérité. C'est comme ça que tu vas être libre. Amen. Amen. Stop thinking that nothing is working. Hör auf zu denken, dass nichts funktioniert. That you are a son of God is enough. Dass du ein Sohn Gottes bist, ist genug. Et arrête de penser que rien ne marche dans ta vie et le fait que tu es un enfant de Dieu, c'est assez, c'est assez. Are you getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. That you are a son of God is enough. Dass du ein Sohn Gottes bist, ist genug. Denn kann zu jeder Zeit wiederkommen. Mm-hmm. Et le fait que tu es un enfant de Dieu, c'est complètement suffisant.